Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Et on va commencer avec Schumann. Schumann, 1810-1856, 46 ans de vie, un des principaux compositeurs du romantisme allemand. Et son Carnaval, opus 9, c'est une œuvre de jeunesse. Il a 24 ans lorsqu'il entreprend ses scènes mignonnes, puisque c'est le sous-titre de Carnaval. 1834, donc, il est à Leipzig. Et en plus d'être un grand compositeur, c'est également un critique littéraire avisé et d'une grande acuité parce qu'il va déceler les génies de son temps, par exemple Chopin. Il sera l'un des premiers critiques musicaux en Allemagne à saluer le génie de Chopin. Et bien Chopin, justement, il figure dans ce Carnaval comme Paganini, des musiciens que Schumann admirait particulièrement. Et dans ce Carnaval, il y a mis également ses amours, ses enthousiasmes littéraires et son goût pour le fantasque avec quelques personnages de la Commedia dell'arte. Et bien voici les deux premiers morceaux du Carnaval opus 9 de Schumann, Préambule et Pierrot, joués au piano par Arturo Benedetti, Michelangeli. Thank you. Les deux premières vignettes, si je puis dire, du Carnaval opus 9 de Schumann, préambule et Pierrot, une musique quasi hypnotique hein, pour Pierrot. Extraordinaire musique, donc interprétée par Arturo Benedetti Michelangeli en 1975. Moins connu que Schumann, voici Anton Zimmermann, 1741-1781. On va écouter le premier mouvement de l'une de ses symphonies. Et je dois dire qu'avant que ne paraisse ce disque, publié par Deutsche Harmonia Mundi en 2018, eh bien je ne connaissais pas Anton Zimmermann. Je l'ai découvert à l'occasion de la parution de ce disque, qui d'ailleurs incluait plusieurs premières mondiales. Alors Anton Zimmermann, il est donc né en 1741, mort en 1781. C'est un contemporain de Haydn et de Mozart. Et il était originaire de Presbourg. On ne sait pas grand-chose sur sa formation en fait. Hein, et d'ailleurs sa vie reste finalement assez mystérieuse. Il a été organiste, il a joué pour différentes chapelles, il a été lié à des princes et il a laissé des symphonies qui parfois ont été attribuées à tort à Joseph Haydn. Donc le disque paru en 2018 rétablissait une injustice, c'est qu'on ne connaissait pas pratiquement cette musique et justement elle a été servie par l'un des grands ensembles qui se consacrent à cette période, ce qu'on appelle le classique, c'est-à-dire la période du XVIIIe siècle, c'est l'ensemble Arte del Mondo dirigé par Werner Erhardt. Ben voici le premier mouvement, Allegro, d'une symphonie en mi mineur d'Anton Zimmermann par ses interprètes. Thank you. C'est vraiment bien cette musique d'Anton Zimmermann. Il faut dire qu'ils avaient des interprètes de choix pour enregistrer ce disque chez Deutsche Harmonia Mundi, l'ensemble Arte del Mondo dirigé par Werner Erhardt. Bon, de l'opéra maintenant, un peu d'opéra avec l'Élixir d'amour de Donizetti, un opéra en deux actes de 1832. Alors Donizetti, il est plutôt familier des tragédies, des drames sanglants, voir à ce sujet Lucia di Lammermoor. Et en fait, il a composé très très peu de comédies. Bon, il y a Don Pasquale et l'Élixir d'amour. Alors l'Élixir d'amour, bah, ça se passe dans un village italien. Jeune paysan, Nemorino, est un peu benêt, faut dire ce qui est. Il est amoureux d'Adina, qui de son côté se moque bien de ses états d'âme. Une jeune femme cultivée, pétillante, pleine de malice. Et en plus, Adina est une riche héritière qui n'a bien sûr que faire des sentiments de Nemorino. Elle lui préfère le soldat Bécor, un séducteur de passage. Mais voilà qu'un charlatan de passage, Dulcarama, eh bien, propose des remèdes universels qui devraient arranger les choses. Il propose à Nemorino un élixir d'amour qui n'est rien d'autre, évidemment, qu'un bon Bordeaux. Mais le jeune Nemorino, jeune villageois, un peu niais quand même, il faut le dire, eh bien, va s'empresser d'acheter, de tester auprès d'Adina. Mais évidemment, les premiers effets s'avèrent peu convaincants. La belle reste insensible au charme de Nemorino. Alors donc, il rachète une bouteille de cet élixir miraculeux. Il se désespère toujours de voir la belle qui lui tourne le dos. Et puis finalement, il y a un coup de théâtre, soudain. Un riche héritage qui fait de Nemorino le héros du village. Et donc, eh bien, les choses s'arrangent bien évidemment, puisque Adina, eh bien, décidément, se reprend et puis se décide à épouser Nemorino. De son côté, Nemorino croit qu'il s'agit de l'effet de l'élixir. Bref, voilà, une comédie assez amusante. Il y a quand même un air très célèbre dans cet opéra, c'est Una furtiva lagrima, une larme furtive. Je vous propose de l'écouter avec Roberto Alagna et puis l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Evelino Pido. Ah, l'un des airs les plus célèbres du bel canto, c'était Una furtiva lacrima, une larme furtive tirée de l'élixir d'amour de Donizetti avec Roberto Alagna et l'Orchestre Philharmonique de Londres, direction Evelino Pido. Demain, j'aurai le plaisir d'accueillir dans l'émission le flûtiste Gaspard Hoyos, qui est flûte solo de l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine. Et bien sûr, nous parlerons flûte dans cette émission, nous écouterons le programme qu'il nous a concocté et nous évoquerons sa carrière. Alors donc, on se donne rendez-vous demain à 11h pour Discothèque Classique sur une émission spéciale flûte. Et ben en attendant, on va écouter un extrait d'un disque Bach enregistré par Gaspard Hoyos, disque remarquable d'ailleurs, avec le claveciniste Jory Vignicourt qui nous propose quelques-unes des sonates pour flûte et clavecin de Bach. Je dis remarquable bien sûr par l'interprétation, évidemment, mais aussi par la prise de son qui nous propose un équilibre assez extraordinaire entre la flûte et le clavecin. Il n'y a pas un instrument qui est enregistré de plus près, ce qui fait qu'il ne couvre pas l'autre. C'est vraiment du très très bon travail de la part des ingénieurs du label Gallo. Allez, on écoute l'Allegro de la sonate pour flûte et clavecin BWV 1034 avec Gaspard Hoyos à la flûte et Jory Vignicourt au clavecin. Thank you. Allegro de la sonate pour flûte et clavecin BWV 1034 de Jean-Sébastien Bach avec à la flûte Gaspard Hoyos et puis au clavecin Jory Vignicourt, Gaspard Hoyos que nous retrouvons demain à partir de 11h dans cette émission. En 1827, Hector Berlioz s'éprend de l'actrice irlandaise Harriet Smithson qui est en tournée à Paris. Lui, il ne parle pas anglais, elle ne parle pas français, qu'importe, il l'inonde d'une correspondance enflammée, aujourd'hui on dirait des SMS évidemment, pour mieux lui expliquer ses sentiments. Il écrit en 1830 la Symphonie Fantastique, qui est une sorte de déclaration d'amour à la mesure d'ailleurs de sa passion, mais elle n'assiste même pas au concert. Alors il est déçu, mais pas découragé, il la poursuit toujours de ses assiduités, allant jusqu'à déménager pour se rapprocher d'elle. Quand enfin elle est avisée des sentiments qu'elle suscite, elle se contente de répondre « il n'y a rien de plus impossible, c'est pour moi, je repars tout de suite en tournée à travers l'Europe ». Et en 1833, de retour de Rome, il avait gagné le Grand Prix de Rome, notre Berlioz, eh bien, il apprend que Miss Smithson est à nouveau à Paris. Alors, il organise pour elle une nouvelle audition de sa symphonie fantastique, et cette fois, elle assiste au concert. Il reprend sa course, ses assiduités, et il fait une tentative de suicide, et enfin, en finale, il se marie en octobre 1833, et ils divorceront 11 ans plus tard, mettant fin à une union pas très heureuse. Bon, bah de cette passion est née donc cette symphonie fantastique où le héros Berlioz se met lui-même en scène à travers 5 mouvements. Dans le 4e, il imagine dans un rêve d'opium qu'il a tué la belle et il est évidemment conduit au bûcher, au supplice. Alors voici cette marche au supplice de la symphonie fantastique de Berlioz avec l'orchestre philharmonique de La Haye, direction Willem van de Terlo. Spectaculaire marche au supplice de la symphonie fantastique de Berlioz avec l'orchestre philharmonique de La Haye, direction Willem von Otterloo. Antonio Salieri, 1750-1825, évidemment vous le connaissez, grâce au film Amadeus de Milos Forman. Il est très méchant dans ce film, hein. Il passe son temps à essayer de détruire Mozart, à la fois d'ailleurs artistiquement et physiquement. Et Salieri en fait avait beaucoup plus de succès que Mozart en son temps. C'est peut-être Mozart qui aurait été tenté de tuer Salieri pour lui prendre sa place. Mais Salieri avait effectivement une vraie admiration pour Mozart. Il était conscient de son génie, ce qui n'était pas le cas évidemment de tous les contemporains de Mozart. Alors Salieri, comme son nom l'indique, il est italien. Il a travaillé d'ailleurs aussi avec Lorenzo da Ponte, le fameux librettiste de Mozart, qui lui avait proposé avant Mozart le livret de Così fan tutte, ainsi font-elles toutes. On va rappeler le titre quand même, que Salieri avait trouvé immoral, il l'avait refusé, donc da Ponte l'avait refilé à Mozart. Et donc Salieri fut très très apprécié en son temps, déjà pour ses opéras, mais aussi en tant que pédagogue. Il fut le pédagogue par exemple de Schubert, de Meyerbeer, donc un compositeur apprécié vraiment par le monde musical, et qui à la fin de sa vie, c'est vrai, s'accusait, lorsqu'il était interné dans un asile, s'accusait d'avoir tué Mozart. Alors on va écouter un extrait d'un opéra d'Antonio Salieri, c'est la Secchia Rapita, chantée par la soprano Cecilia Bartoli, et l'orchestre, je vais essayer de le dire correctement, l'orchestre c'est l'Orchestra of the Age of Enlightenment, l'orchestre du siècle des Lumières, dirigé par Adam Fischer. Sul che prima di morre, sul che prima di morre, Un air tiré de l'opéra de Salieri, La Secchia Rapita, chanté par Cecilia Bartoli, The Orchestra of the Age of Enlightenment, moi j'y serais arrivé quand même, était dirigé par Adam Fischer. On retrouve notre rubrique des sonates pour piano de Beethoven. On a entrepris de présenter les 32 sonates dans cette émission. Voici la sonate numéro 12 avec sa marche funèbre. Ah oui, parce que Beethoven a inclus parfois des marches funèbres dans ses œuvres. Et cette sonate date de 1801-1802, c'est une sonate qui précède la symphonie héroïque où Beethoven va également composer une marche funèbre, inclure une marche funèbre pour le souvenir d'un grand homme, en l'occurrence Bonaparte, puisque pour lui, Napoléon, en se faisant sacré empereur, avait tué Bonaparte, le héros de la Révolution française. Bref, une sonate qui est déjà où Beethoven est vraiment lui-même. Hein. Là, il casse carrément le moule avec tout ce qui s'est fait avant. Et cette marche funèbre, l'idée d'inclure une marche funèbre dans une sonate, c'est quand même assez nouveau à l'époque. Alors la voici, cette marche funèbre, interprétée par Stephen Kovacevic. La marche funèbre de la 12e sonate pour piano de Beethoven avec Stephen Kovacevic au piano. Camille Saint-Saëns maintenant avec quelque chose d'un peu plus entraînant. Le scherzo de son premier trio. C'est une œuvre qui date de 1863 et Saint-Saëns fut probablement l'un des premiers compositeurs français à s'intéresser à la musique de chambre. Il en a beaucoup composé. D'ailleurs, il a composé dans tous les genres. Opéra, symphonie, célèbre symphonie avec orgue, poème symphonique, le Rouedon Fall, sa danse macabre et puis bien sûr son célèbre Carnaval des animaux, et puis les concertos, concertos pour piano, il en a écrit 5, concertos pour violon, violoncelle. Bref, un compositeur particulièrement prolifique qui est mort à 86 ans en 1921. À l'époque, c'était pas très courant. Allez, on va écouter un petit peu de son premier trio, presque une œuvre de jeunesse, 1863, Saint-Saëns à 28 ans, et le scherzo donc de ce trio numéro 1, opus 18, est interprété par le trio Joachim. Thank you. Le presto du premier trio opus 18 de Camille Saint-Saëns, interprété par le trio Joachim. Antoine Bruckner maintenant, il y a un disque qui vient de sortir autour d'Antoine Bruckner et qui nous propose les motets. Bah ça c'est assez rare, il faut préciser que c'est le bicentenaire de la naissance de Bruckner. Bruckner qui était venu à Nancy, bah oui il faut le savoir, il est venu jouer sur les orgues de l'église Saint-Èvre en son temps. Et Bruckner évidemment connu comme symphoniste mais qui a également composé de nombreux motets lorsqu'il était à Florian, c'est-à-dire lorsqu'il avait un emploi d'instituteur. Et évidemment, ce sont des œuvres très religieuses, d'une fervente religiosité, et qui sont magnifiquement écrites, polyphoniques. Alors je vous propose un de ces motets qui vient d'être enregistré par les solistes et le chœur d'enfants de Saint-Florian. Il n'y a pas que des enfants d'ailleurs, chœur d'adultes et d'enfants. Et c'est un disque qui vient de paraître à l'occasion donc du bicentenaire de la naissance de Bruckner chez Solo Musica. Ah bah, si vous aimez les belles voix, vous serez servi avec ce disque, hein, paru chez Solo Musica, des motets de Bruckner, avec le chœur et les solistes, le chœur d'enfants et chœur d'adultes et solistes du Florianer Sanger Knaben. Voilà, bah, c'est vraiment un très très joli disque. Allez, on va terminer comme on a commencé avec Schumann et son carnaval. Toujours quelques extraits joués par Arturo Benedetti, Michelangeli. Thank you. Voilà, c'était deux extraits du Carnaval opus 9 de Schumann, Chiarina et Chopin, par Arturo Benedetti, Michelangeli. Bah voilà, c'est terminé pour ce matin. Bah on se retrouve demain à 11h en compagnie du flûtiste Gaspard Hoyos, flûte solo de l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine. Bon samedi à toutes et à tous et à demain.